Adolescents disparaît. ta jupe odorante. Amis libérés, convaincre, c'était réconcilier. Le château de Maubec s'enfonçait dans l'argile. Bientôt s'effondrerait le roulis de sa ligne. La violence des plantes nous faisait vaciller. Moi, qui, ma science.